trois douzaines de petites bavières à l'ange déchu, rue des visiteurs digne 12. 4 x 24 petites bavières au cheval de bronze, rue des Foulons. Le cheval de bronze devient un bon client. C'est malheureusement un mauvais payeur. Quand on apporte la marchandise, c'est toujours bon. Quand on vient avec la facture, il n'y a personne à la maison. Je reprends ma dictée. 30 siphons pour le lapin bleu. Monsieur Belmont, c'est trop tendre vis-à-vis de ses débiteurs. Oh, père, et c'est bon. Il se laisserait prendre le pain dans la bouche. Certainement. Et il donnerait encore du beurre par-dessus le marché. Allô, maison Belmont, j'écoute. Ah, monsieur Belmont, il est au magasin pour le moment. Mais mademoiselle Belmont, c'est là. Allô? C'est vous, Suzanne? Bonjour, Séraphin. Bonjour, Suzanne. Est-ce que je peux pas dire un mot à votre père? Vous voulez parler père? Oui. Père est en bas. Il jette un œil sur les camionneurs. Ah. Dites, est-ce qu'il y a du neuf? Oui, mais c'est des mauvaises nouvelles pour vos pères, vous savez. Ah? Oui, le comité est venu ensemble hier au soir. Mais il a nommé Ebelix comme président d'honneur. Ah, c'est biscant, ça, hein? Oui. Est-ce que vous allez le lui dire ou est-ce que vous aimez mieux que moi je vienne le lui dire? Oui, c'est ça. Venez le dire vous-même dans l'heure du midi. Alors, à tout à l'heure. Oui, allez, au revoir, Séraphin. Oui, le comité est venu ensemble hier soir et il a choisi M. Ebelings comme président d'honneur. Cette nouvelle va vivement contrarier M. Belmans. Lui, c'est encore rien, mais elle va jouer sur sa patte. Qui, elle? Mère, tiens! Elle ne sait pas le laisser 5 minutes tranquille avec ça. Eh bien, pour quand c'est donc? Quand c'est que vous serez enfin président d'honneur de la Société Mutuelle des Alpes-Pays Ouvriers de Bastrie? Quand c'est que vous aurez aussi un peu de prestige? Elle lui fait ce qu'il peut, vous savez. Il paye des verres à tout le monde, il donne la main à tous les ouvriers, il a promis un drapeau. Enfin, il fait ce qu'il peut. Et mère est tout le temps en train de lui dire qu'il ne sait rien faire. Ça est pourtant une si bonne femme, vous savez. Madame Belmont, c'est charmante, qui n'a pas ses petits moments de mauvaise humeur. C'est tout de même embêtant, hein. Il y a tous les jours des réclamations. Tous les jours, vous faites une nouvelle gaffe, Albert. Pardon, monsieur Belmont, je... Belmont, je suis Belmont. Vous êtes toujours à faire des patatis et des patatas à pincer le français, parisien que vous êtes. À faire des compliments parisiens, et pendant ce temps-là, on néglige les affaires. Mais enfin, patron, qu'est-ce que j'ai fait? Stouff avait demandé 100 bouteilles de stout. Vous lui avez envoyé 50 bouteilles de groselle. Ah, je crois cependant ne pas m'être trompé. Je vais consulter le bulletin de commande. Regardez, regardez. Un client ne réclame pas quand c'est pas besoin, n'est-ce pas? Mon fils, comment? Croyez-moi, surveillez un peu mieux les affaires. Prenez exemple sur ma fille. Je suis seul dépositaire pour la Belgique du stout Glasgow. C'est quelque chose. Faut pas jouer avec ça. Ce n'est tout de même pas parce que je suis en correspondance avec votre père et qu'il m'a demandé pour vous une place dans mon bureau pour apprendre le commerce belge que vous devez tout flanquer en l'air. Vous avez fait une grosse gaffe. Père, maintenant je me rappelle, ça est moi qui m'ai trompé. J'ai cru que le stout était pour Stevens et le groselle pour Stouffs. Non, mais il aurait quand même dû voir ça. Mais non, ça est le jour où vous l'avez envoyé à la banque. Oui, mais quand même... Et... Il ne fait pas attention. Parisien, va. Ah, si vous n'étiez pas là, mademoiselle, je vous jure qu'il y a bien longtemps que je serais parti. Je ne suis pas un petit commis qui attend après ces maigres appointements. Mon père m'a envoyé en Belgique chez M. Belmans, content que j'y trouverais au moins les égards. Ta-ra-ta-ta. Est-ce que je n'ai pas d'égards pour vous? Eh bien, moi, c'est le principal. Je veux que vous restiez ici jusqu'à la fin de votre année. Mademoiselle Suzanne, la soupe est servie. Déjà midi? Oui, j'arrive, Isabelle. Allez, monsieur Albert, il est midi passé. Prenez votre chapeau et allez dîner. Et revenez le plus tôt possible. Il y a beaucoup d'ouvrages pour cet après-midi. Je n'aurai même pas le temps de prendre ma leçon de piano. Au revoir, mademoiselle Suzanne. Mais je ne sais pas, moi, j'attends des nouvelles. Vous auriez dû aller en chercher. Vous êtes là comme une moule. Oui, et puis je m'en fous, là. On ne sait même pas manger tranquille ici. Père. Quoi? Venez à table, c'est bête. Ce qui est bête, c'est qu'on ne sait pas manger à son aise ici. Il faut tout le temps discuter et crier, et quand on crie, on oublie de mâcher. Et on avale de gros morceaux, et ça est mauvais pour l'estomac. Mais enfin, elle ne vous a rien dit, père. Et vous croyez que ça m'amuse? Je sais bien que je ne suis pas président d'honneur. Eh bien, je ne suis pas président d'honneur, voilà tout. Elle n'a qu'à tâcher de se faire nommer, elle. Écoutez, père. Venez. Je suis très bien ici. Mère a promis qu'elle ne parlerait plus de ça. Oh, le venez. Oui, mais vous me jurez que c'est fini, hein? Mais oui, mais oui. Oui ou non? Est-ce que vous venez à table? Non, non, effilez ou sinon je vous fais un tout le bazar après la tête ici. Oui, ça, je voudrais voir. Oui, oui, j'ai peur. C'est alors que ce serait fini entre nous. Vous allez me donner envie. Oh, le père, oh, le mère. Qu'est-ce que la servante va dire? Oui, elle doit être bien étonnée depuis 2 ans que ça dure. Écoutez, ça ne peut pas continuer à durer, hein? J'irai chez l'avocat. Eh bien, oui, chez l'avocat. Il vous dira ce qu'il pense de vous. En tout cas, puisque vous refusez de venir dîner, c'est plus besoin de faire à dîner, hein? Demain, Suzanne et moi, on mangera des pistolets avec du jambon. Oui, je veux bien, j'ai de l'argent. J'irai au restaurant. Et vous savez, Félix, des repas fins avec toutes sortes de bonnes choses. Potage Saint-Germain, macaroni à la napolitaine, choucroute de Strasbourg et pain perdu. Je vous en rapporterai, Suzanne. Oh, ça je sais. Vous pouvez mal de vous laisser manquer de quelque chose. Mais nous aussi, on saura tirer son plan. Allez, est-ce que vous venez, oui ou non? Non. Venez, Suzanne. On va manger. Salut, monsieur le président d'honneur. Ah, bonjour, monsieur Beulemans. Ah, c'est vous, Séraphin. Tiens, vous dînez ici? Oui, il fait un peu trop chaud dans la salle à manger. Vous avez des neufs? De la société? Eh ben. Oui. Des bonnes nouvelles? Ah, c'est comme on veut. C'est des bonnes nouvelles pour Ebelings. Et des mauvaises nouvelles pour vous. Je suis pas nommé. Non. Vous avez pourtant défendu ma candidature? Bien sûr. Eh ben. On m'a demandé vos titres. Qu'est-ce que vous avez répondu? Je n'ai rien répondu. Pourquoi vous n'avez rien répondu? Parce que je ne savais pas quoi répondre. Alors je n'ai pas de titre. Vous n'avez pas dit que je suis seul dépositaire en Belgique du Stade Glasgow. Je l'ai dit. Mais Ebelings est dépositaire de 2 marques de scotch. Vous n'avez pas dit que j'ai 3 employés et 1 comptable. Je l'ai dit. Mais Ebelings a aussi 1 dactylographe. Vous n'avez pas dit que j'ai 10 camions à 2 chevaux. Oui, je l'ai dit. Mais Ebelings a 10 camions automobiles. Et vous n'avez pas dit que je suis décoré d'Isabelle la catholique? Je l'ai dit. Mais Ebelings a le gris du Portugal. Et ça est rouge. Et puis j'ai de la popularité dans la société. Oui, ça est vrai, vous êtes populaire. Ah, on a voté, hein? Ça allait très bien. On entendait tout le temps Ebelings 1 voix. Beulemans 5 voix. Ebelings 5 voix. Beulemans 6 voix. Mais alors, tout à coup, est arrivé un paquet de bulletins pour Ebelings. Oh, c'était comme chose aux élections législatives. Wolvertem, libéraux, 53 voix. Catholiques, paf, 5 379 voix. C'est Wolvertem qui vous a mis dedans, monsieur Beulemans. Je pense que ça va faire de la peine à madame Beulemans. T'es sûr? Mais c'est une brave femme. Elle sait si facilement se faire une raison. Oui, ça vaut mieux. Je crois tout de même que vous avez mal conduit la campagne. Je vous assure, monsieur Beulemans, que je me suis bien dévoué. Depuis 15 jours, je suis sous tous les soirs. Vous n'avez fait que votre devoir, puisque vous devez être mon beau-fils. Ah, oh, tiens donc. Mais je ne vois pas Suzanne, hein? Elle est dans la salle à manger. Hein? Avec madame Beulemans? Martyr. Et le Parisien n'est pas là? Monsieur Albert. Mais non. Mais il va venir dans 1 minute. Il y a longtemps qu'il ne mange plus ici. J'ai eu un jour des mots avec ma femme devant lui. Ça l'a embêté. Il a demandé à ne plus venir. Un faiseur d'embarras. Je suis bien content qu'il ne mange plus ici. Je trouve qu'il est déjà assez autour de Suzanne comme ça. Comment autour de Suzanne? Ben oui, ici, dans le bureau. Ah, ils doivent travailler ensemble. Je ne peux pourtant pas le mettre sur le trottoir. Oui, je sais bien, mais ça m'embête. Je suis un peu jaloux. Vous devez bien comprendre ça. Vous avez aussi été jeune, dans le temps. Vous êtes bête. Vous ne devez pas avoir peur de ce gamin. Je dis ce que je dis, je sais ce que je sais, et je vois ce que je vois, vous savez. Mais oui, je vous le disais, c'est Séraphin. Oui. Bonjour, Séraphin. Bonjour, madame Beulemans. Ça va bien? Mais oui, mais... Vous avez déjà dîné? Non. Vous avez des nouvelles de la société? Oui, mais ça n'a pas été. Oh. C'est dommage. Hein. Enfin, ce sera pour une autre fois. Beulemans, c'est un philosophe. Hein. Il se fait facilement une raison. Hein, père que... Ouais, ouais, ouais. Mais ne restez pas ici, Séraphin. Et venez, une fine? Oui, je viens tout de suite, mais je dois d'abord dire quelque chose à M. Albert. Bon, allez, alors. Père que, venez prendre votre pousse-café. Mais oui, je viens, oui. Ah, vous êtes là, monsieur Albert. Quel beau temps, hein? Hier, il a encore plu. Espérons que ça sera continué. Quoi, la pluie? Non, non, le beau temps. Monsieur Albert, je voudrais vous dire quelque chose. À moi, monsieur? Oui, à vous. Je vous écoute. Je n'irai pas par cinq chemins, car vous savez, nous autres à Bruxelles, on n'est peut-être pas des beaux phraseurs, mais on dit tout droit dehors ce qu'on pense. Eh bien, voilà. Je ne vous connais pas depuis très longtemps. Vous dire que j'ai beaucoup de sympathie pour vous, ça, je mentirais. Je sais que vous ne m'avez jamais rien fait, mais enfin, c'est des choses qu'on ne sait pas expliquer. Demandez à un chat pourquoi il n'aime pas un chien, et à un chien pourquoi il n'aime pas un chat, il ne saurait pas vous répondre, n'est-ce pas? Mais ça n'empêche pas qu'un chat peut estimer un chien et qu'un chien peut estimer un chat. Cela me paraît puissamment raisonné. Monsieur Albert, j'ai un service à vous demander. Allez-y. Oui, mais pour ça, il faut que je vous fasse le confident d'une affaire confidentielle et très grave. C'est à propos de mon mariage. Alors je vous prie de vous en tenir là. Je ne veux d'aucune manière être mêlé à votre mariage. Par conséquent, cherchez quelqu'un de vos amis qui puisse me remplacer en cette occurrence. C'est impossible. Je ne me laisserai pas faire. Si, parce que c'est pour une bonne action. C'est assez inattendu. Vous avez une façon très pittoresque de demander un service. Monsieur Albert, je vais me marier. J'ai beaucoup de goût pour Mademoiselle Suzanne. Et puis elle a une jolie dot. Oui. Eh bien, avant que je la marie, je dois régulariser une situation. J'ai une bonne amie. Mon Dieu. Oui. Mais j'ai aussi un enfant avec ma bonne amie. Mon Dieu. Oui. Et comme je ne suis pas de ceux qui, quand ils glissent sur quelque chose, ne se retournent même pas, je ne voudrais pas que ce petit, qui n'a rien fait pour ça, tombe dans la misère. Alors, n'est-ce pas, j'ai pensé que vous, monsieur Albert, vous pourriez aller trouver Anna. Anna? Oui, c'est Anna. Et lui proposer un petit arrangement. Et comme vous parlez bien, oh, n'est-ce pas? Si. Vous parlez bien. Vous pourriez la consoler. Comme ça, il n'y aurait pas de scandale. Je serais bien tranquille et personne ne pourrait dire que Séraphin Meulemeestre n'a pas fait tout son devoir. C'est tout? Oui, c'est tout. Monsieur Séraphin Meulemeestre, je ne me charge pas de cette mission. Comment, vous? Non, oh, pas à cause de vous. Pas à cause de Mademoiselle Anna. Non pas que je me permette d'apprécier votre conduite, de vous blâmer ou de vous approuver, mais parce que Mademoiselle Suzanne est la seule personne ici pour laquelle j'ai quelque sympathie. Elle est la seule qui m'est accueillie aimablement, sans ironie et sans ce mépris que vous-même vous affectez, même lorsque vous me demandez un service. Je crains donc qu'un mariage entre elle et vous, consommé sous d'aussi heureux auspices, ne soit pas un bonheur qu'elle mérite. Je ne désire donc en rien, aussi faiblement que ce soit, le faciliter pour ma part. Vous n'allez pas lui dire, n'est-ce pas? Rassurez-vous, cher monsieur, je suis de cette sorte de chat qu'un chien comme vous ne peut pas aimer, mais qu'il doit estimer. Je n'en respecterai pas moins votre secret. Oui, vous dites ça. Je le dis et je le fais. Alors, monsieur Albert a un œil sur Mademoiselle Beulemans. Je m'en doutais. Mais soyez tranquille, ça n'est pas du spec pour votre bec. Vous aurez beau prendre votre air d'en avoir deux, c'est moi qui marierai Mademoiselle Suzanne Beulemans. Et puisque vous ne voulez pas arranger la situation d'Anna et de son enfant, ils n'auront qu'à tirer leur plan. Moi, j'aurais fait ce que je devais. Mais rappelez-vous, monsieur Albert Delpierre de Paris, que toutes les belles phrases que vous pourriez dire à Suzanne, ça ne servira à rien. Car ce n'est pas les oiseaux qui sont les plus beaux plumes qui chantent le meilleur. Vous m'avez bien compris. J'ai Suzanne, je la garde. Un tien vaut mieux que deux, tu n'auras pas. Alors je fais attention. Imbécile. Ah, vous êtes encore là, Séraphin? Oui, je causais, monsieur. Au revoir, Suzanne. Ah, je suis contente que vous êtes de bons amis. Qu'est-ce que vous disiez? Des choses banales. Nous parlions de la pluie et du beau temps. Oui, je crois qu'il va dracher. Est-ce que vous voulez un parapluie? Non, le parapluie, c'est toujours la même chose, hein. Je pars avec, et quand je reviens, je l'ai plus. Ou si j'en ai un, c'est un parapluie contraire. Bon, si vous le perdez, ça ne fait rien. Je vous donnerai un vieux. Oui, et puis c'est tout de même presque de la même bourse, n'est-ce pas? De la même bourse? Ah oui, puisque je dois vous marier. Que faut-il répondre à cet être? Ne vous donnez pas la peine. Eh, que nous devons vivre ensemble. Ce monsieur Bataille est tout de même un drôle. Hier, il dit que c'est bon. Aujourd'hui, il dit que c'est plus bon. Et que nous devons vivre ensemble. Je vais répondre que nous faisons pour un bien. Et que s'il n'est pas content, il n'a qu'à le dire. C'est ça. Et que nous devons vivre ensemble. Alors ça ne viendra tout de même pas sur un parapluie. Mais oui. Oui, oui. Et vous n'écoutez même pas ce que je dis. Moi? Oui, vous. Quand M. Albert est là avec ses manières de parisien, moi je ne suis plus rien. Oui, mais non. Séraphin, qu'est-ce que ça signifie? Oui, oui, j'avais raison de le dire tout à l'heure. Il est toujours à tourner autour de vous. Et vous aimez ça? Je comprends maintenant de quoi vous avez causé à vous deux. Venez un peu par ici, Monsieur Albert. Venez un peu par ici, Séraphin. Des cancans, ça, je ne veux pas. Je dois vous dire, Séraphin, que ça est assez honteux ce que vous faites là. Mais enfin, tous les hommes sont comme ça. Seulement, chez moi, ça doit être tout droit dehors. Monsieur Albert, je crois que vous êtes un bon garçon. On ne sait jamais. Oh. Vous ne m'avez jamais rien dit de vexant et vous ne m'avez jamais rien fait de malhonnête. Je crois même que si vous étiez un tripoteur, comme il y en a beaucoup, vous auriez déjà mis votre main sur mon bras pour me pincer ou vos pieds sur mes pieds en dessous du pupitre. En tout cas, si vous avez de mauvaises intentions, vous n'avez qu'à les inscrire sur votre ardoise et les essuyer avec une loque arloquetée. Oh. Je suis la fiancée de Séraphin. Et tant que je serai la fiancée de Séraphin, les autres pourront danser. Oh. Vous, Séraphin, je vous ai jamais dit que je vous aime. Oh. Je vous aime peut-être, peut-être je vous aime pas. Ça, moi, je le sais. Mais je suis votre fiancée. Et ça, je veux qu'on respecte. Mais ce que je ne veux pas, c'est de la jalousie et des reproches. Je ne suis pas une de la sorte, vous savez. Encore une fois des manières de ce genre, et vous pouvez prendre vos clics et vos claques. Voilà, c'est compris. Maintenant, vous pouvez continuer. Je dois aller sur mon bureau. Au revoir, Suzanne. Monsieur! Oh. En voilà des manières? Mais mademoiselle Suzanne... Il est déjà plus d'une heure et demie. Oui. Et il y a beaucoup d'écriture à faire. Beaucoup. Père pourra arriver. Tant mieux. Je désire voir Monsieur Belmans. Il n'a pourtant pas l'habitude de vous dire des choses agréables. Cette fois, c'est moi qui parlerai. Mademoiselle Suzanne, il faut que je m'éloigne. Vous avez dit des choses que je ne méritais pas. Vous avez prononcé des mots dont le souvenir viendrait gâter le délicieux plaisir de nos tête-à-tête. Je me dirais sans cesse, elle retire le pied pour que je n'y pose pas le mien. Elle se méfie de moi. Mais c'était pour rire. Laissez-moi partir, mademoiselle. Mais je ne veux pas, Monsieur Albert. Non, croyez-moi, laissez-moi partir. Cette hostilité finit par mettre à ce point pénible que je ne puis plus la supporter. Et je ne la rencontre pas seulement chez votre père, chez votre mère, chez Monsieur Séraphin, mais même chez des gens à l'indifférence desquels j'espérais pouvoir prétendre. Plus je m'efforce d'attirer vers moi les sympathies, plus je vois que je suis irrémédiablement antipathique. Mais je vous assure que vous vous trompez. Vous savez, vous vous parlez à ces gens un langage qu'ils ne comprennent pas. Alors ils imaginent que vous êtes un poseur. Parlez comme nous. Comme vous? Mon Dieu, je voudrais bien. Mais comme eux, il me semble que ça ne passerait pas. Mais si, mais si. Tenez, comment me diriez-vous, si vous étiez Monsieur Séraphin, que je vous plais? Mon Dieu. Oui, allez, allez. Je vous dirais, mademoiselle Suzanne, si vous croyez que c'est facile comme ça à l'improviste. Eh bien, imaginez que vous me faites l'aveu de votre tendresse pour une autre. Pour une jeune fille que vous auriez laissée à Paris. Et que vous aimeriez. Je n'ai laissé à Paris aucune jeune fille que j'aime. Hein? Eh bien, supposez. Je vous dirais, mademoiselle Suzanne, j'ai un penchant pour vous. Pardon, j'ai un penchant pour la demoiselle que je n'ai pas laissée à Paris. Mais non, mais non, mais non. Vous devriez dire, mademoiselle Suzanne, j'ai une bunch pour mademoiselle une telle. Une quoi? Une bunch. Une bunch? Allez, répétez. Mademoiselle Suzanne, j'ai une bunch. Mademoiselle Suzanne, j'ai... Une bunch? Une bunch pour vous. Hein? Oh, c'est extraordinaire. Quand j'entends employer par d'autres ces tournures de phrases spéciales, ça me choque comme une incongruité. Et quand vous les dites, ça me paraît gentil, étrange, mais gentil. Ça a la saveur d'un de ces fruits tropicaux qui étonnent d'abord et à laquelle on se fait si bien qu'on veut y goûter à nouveau. C'est curieux, n'est-ce pas? Oui. Oui, c'est curieux. Très curieux. Laissez-moi partir, ça vaut mieux. Vous songez de temps en temps à votre amie. Moi, je n'oublierai jamais ma chère petite collègue de quelques mois. Et vous? Moi non plus. Alors, je vais dire à M. Belmans que mon père, voulant donner plus d'extension à ses affaires, me rappelle à Paris. Car il vaut mieux, n'est-ce pas, ne froisser personne. Oh, certainement. Évidemment. Et puis comme ça, n'est-ce pas, vous pourrez prendre tout votre temps et ne pas laisser les écritures en arrière. Oui, 3 ou 4... Moi? Non, jour. Si vite? Oui. Mais monsieur Albert, jamais vous pourrez mettre le grand livre au courant. Si, si, il ne reste plus que le compte de Van der Zand, Buxtel, Verstappen et Goffin à liquider. Pour le reste, tout est en ordre. Vous oubliez l'échéance du 15. Ah, celle-là, non, jamais. Je ne la ferai pas. Ne vous opposez pas à mon départ. Mais je ne veux pas, monsieur Albert. Ne vous opposez pas à mon départ. Il ne comptera pas pour vous. Vous continuerez à rire et à chanter, à être heureuse. Heureuse. Mais je ne suis pas heureuse, monsieur Albert. Quand j'étais petite, oui, père et mère s'entendaient. Ah? Oui. Et quand ils se disputaient, ça m'était bien égal, car j'étais trop jeune pour comprendre. Maintenant, je comprends, n'est-ce pas? Et ça me fait si mal. Je suis tout le temps à éviter les sujets de brise-bouille entre eux. Je chante pour les garder de bonne humeur. Je ne discute jamais. Je suis douce avec eux et avec tout le monde, pour qu'eux aussi deviennent doux. Vous savez, ça arrive quelquefois. Quand quelqu'un parle à voix basse, plus personne n'ose crier. C'est la même chose. Je cherche par tous les moyens d'éloigner les contrariétés de père et mère. Un jour, ils étaient d'accord. Ah, encore? Oui. Ils m'ont dit, Suzanne, monsieur Séraphin Meux, le maître, a demandé votre main. Nous croyons que c'est un bon parti. Moi, j'ai répondu, moi aussi. Et pourtant, je n'aime pas monsieur Meux, le maître. Un autre jour qu'ils étaient d'accord, ils ont mis un canari dans la salle à manger. Ils disaient, c'est plus gai. J'ai répondu, oui, c'est plus gai. Mais ça n'était pas plus gai, monsieur Albert. Parce que je pensais que je suis comme ce petit oiseau, tout seul dans sa cage, avec le monde autour de lui, et qui chante de toutes ses forces toute la journée, et on ne l'écoute plus. Il chante, et ça sert de rien. Pauvre petite. Depuis votre arrivée, j'étais un peu consolée. L'oiseau avait un camarade qui, je l'espérais, aurait chanté avec lui quand il aurait compris qu'il ferait une bonne action en mettant la joie dans la maison. Vous avez compté sur moi? Mais je suis un canari dont ils n'aiment pas la voix. Ils s'y habitueront. Et puis vous ferez un effort. Vous tâcherez d'imiter leur chant à eux pour conquérir leur confiance et leur sympathie. Restez, monsieur Albert. Aidez-moi à mettre de la bonne entente entre mes parents. Je ferai ce que vous voudrez. Je resterai. Quand père vous fera une observation, vous le laisserez dire? Oui. Il fait si bon au fond. Quand mère arrivera avec une nouvelle robe, vous la trouverez jolie? Oui. Vous ferez le plus possible dans la maison pour arriver au but? Oui. Alors vous devez reprendre votre table avec nous. Je la reprendrai. Ah, c'est gentil. Donnez-moi la main et venez travailler. 300 bouteilles de Goethe chez Van der Zand. 300 bouteilles de Goethe chez Van der Zand. Monsieur Albert, vous avez mal surveillé l'expédition du stout pour Louvain. La bière est tournée. Vous avez sans doute encore une fois laissé partir des bouteilles mal nettoyées. Excusez-moi, monsieur Belmans, mais j'ai pourtant fait attention. Il faut connaître son métier. Et c'est pour l'apprendre que je suis venu me confier à votre grande expérience, monsieur Belmans. Oh oui, oh, ça perd une grande expérience. C'est-à-dire que je ne connais pas parmi toutes nos relations de notre maison de Paris un homme dont la compétence soit aussi complète et aussi éclairée au point de vue de la brasserie. Oui, oui, on m'a déjà dit ça. C'est vrai du reste. Maintenant, c'est peut-être le garçon qui n'a pas exécuté vos ordres, vous savez, monsieur Albert. Je vais une fois voir ça. Ça, je ne veux pas qu'on ne vous écoute pas, hein. Je vais lui donner un savon. Suzanne! Suzanne! J'ai reçu mon nouveau chapeau. Regarde une fois. Est-ce qu'il me va bien? Je l'ai mis pour la demande officielle qui va avoir lieu tout à l'heure. Oh, il est magnifique! C'est une pure merveille, madame Belmans. Vous trouvez? Oh, et comme il vous va? Vous trouvez? Si je trouve, il vient de Paris. Non, il vient de chez Mamobis. Ah. On peut se montrer avec ça, hein? C'est oh, sûr, ça, maman! Je vous crois! Vous savez, mon garçon, c'est l'ouvrier qui a pris le vieux lot de bouteilles. Ce n'est pas de votre faute. Je me disais bien, avec mon expérience... Père, voyez un peu le beau chapeau de mère. Tiens, oui. Mais je suis contente, tiens, de ne pas être présidente d'honneur. Pour montrer qu'on n'a pas besoin de ça pour faire de l'effet. N'est-ce pas, Beulemans? Allez, embrassez votre femme. Je vais faire le tour du propriétaire. Venez, Mirke. Venez faire voir votre nouveau chapeau. Vous voyez comme c'est facile. Et comme c'est gai.